très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première. Voici Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Très jeune, quand j'ai lu Shakespeare, c'est le poids d'être de ces personnages. C'est le moindre personnage dans Shakespeare est d'une complexité, d'une richesse extraordinaire. À l'époque, par exemple, de Shakespeare, tous les rôles de femmes étaient joués par de jeunes adolescents. Les femmes n'avaient pas le droit de jouer sur scène et ce sont des femmes de rois ou des filles de rois, des choses comme ça, qui ont réussi petit à petit à s'introduire presque en secret, en cachette dans les spectacles. Puis on a enfin admis un jour que les femmes pouvaient faire ce travail et que c'était aussi formidable. Cette semaine, un homme d'exception. Shakespeare donne-t-il une image négative des femmes à travers Lady Macbeth, à travers Catherine de... Ou au contraire, est-il un pré-féministe avant la lettre, puisque très souvent, dans les comédies, ce sont les femmes qui portent les valeurs de sacrifice, d'amour. Même si Shakespeare est un génie universel et a parlé très bien de tout, on peut pas nier qu'il a énormément parlé du droit. On a fait le compte sur les 36 pièces qu'il nous a laissées, qu'on lui attribue. Une trentaine mettent en scène des procès. Shakespeare, sa vie, son œuvre. Aujourd'hui, le rêve secret de tout comédien, c'est de jouer Shakespeare. Quant à Shakespeare lui-même, mon hypothèse, en parcourant une dizaine de ses pièces dites historiques, c'est que Shakespeare s'attache à montrer les écarts parfois énormes entre la fonction mythique et la réalité humaine du roi. Le monde est un théâtre. Histoire vivante, cette semaine, Shakespeare. Aujourd'hui, entretien avec Jean-Michel Deprat, enseignant à l'Université de Paris 10 et traducteur de Shakespeare. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Deprat, que nous recevions déjà hier. Jean-Michel Deprat traduit, entre autres, mais quand même principalement Shakespeare, depuis combien de temps maintenant vous êtes 1978. J'ai traduit une première pièce qui est abominablement difficile parce que c'est 3000 vers, 3000 jeux de mots. Ça s'appelle Peine d'amour perdu, qui est une pièce qui m'a toujours passionné, entre autres raisons pour sa prodigalité verbale, mais aussi... Comment résister à un pareil titre, qui plus est ? Oui, très beau titre, même en français, alors que souvent, comment dire, la magie des titres shakespeariens s'étiole ou disparaît en traduction. Peine d'amour perdu, et j'ai enchaîné avec une autre pièce horriblement difficile qui est Coriolan, là qui est de la fin de l'écriture de Shakespeare, de la carrière de Shakespeare. Un de ceux que j'avais tanné en lui parlant avec enthousiasme de Peine d'amour perdu, a un jour décidé de monter cette pièce parce qu'elle correspondait à la situation d'élèves d'une école qui caractérisait une promotion du Théâtre National de Strasbourg, enfin de l'école du Théâtre National de Strasbourg. La plupart des grands théâtres ont une école de comédiens, offrent une formation, et Jean-Pierre Vincent, que je n'ai pas encore nommé, arrivé à Strasbourg et devant définir un travail avec les élèves de la promotion venant, enfin 18, je crois que c'est la promotion 18, a choisi Peine d'amour perdu et m'a dit écoute, dans la traduction de François-Victor Hugo, je n'y comprends rien. Donc tu vas me retraduire la pièce. Et c'est un des moments les plus heureux de ma vie parce que le travail, lui, était terrible de difficultés. Il y a des jeux de mots sans arrêt. Par exemple, vous avez un jeu de mots sur les voyelles. O, U, E, I, A. Et alors, c'est un jeu de mots qui part de la brebis. Oveja en espagnol. Alors, vous imaginez un peu où, bon, des mots comme ça, black, fa, multiples sens. Shakespeare, Dieu sait, utilise beaucoup la polysémie virtuelle et réelle du vocabulaire anglais. Et donc, pourquoi c'est un moment heureux ? Parce que nous avons retravaillé ensemble à partir donc, de la proposition que je lui ai faite. Et comme c'est un texte qui comporte un nombre considérable de jeux de mots, on est tombé dans cette espèce d'hilarité de fin de repas, vous savez, où on rit de toutes les blagues, même les plus mauvaises, parce que on a un peu bu, comme ça. Et donc, nous avons passé des soirées à chercher des jeux de mots et en faire, certainement de très mauvais aussi, pour faire évoluer ce matériau. Et c'est un moment de grand bonheur, de travail ensemble. Avez-vous enrichi votre français en travaillant Shakespeare ? Oh, je crois que même si on peut citer l'exemple de traducteurs qui traduisent contre leur langue, hein, Armand Robin détestait le français, il faut les deux, il faut à la fois. Mais parce qu'il passion, était breton. Oui. Et qu'on lui avait un peu forcé la main. Peut-être, probable. Mmh. Mais en tout cas, un traducteur d'anglais est à la fois quelqu'un qui se passionne pour la langue anglaise. Dieu sait qu'il y a de quoi, elle a des mérites que malheureusement on ne retrouve pas identiques dans le français. Celui de l'accentuation, celui de la brièveté des mots. Shakespeare adore les monosyllabes. Et on a le plus grand mal en français à tenir cette concision. Hein. To be or not to be, that is the question. On pourrait d'ailleurs arrêter le verbe à quest, ça ferait 10 exactement. Il n'y a que des monosyllabes. Voilà, alors forcément, en français, on est un peu à l'étroit, les mots sont plus longs, on ne peut rien faire contre ça. Mais pour revenir à l'idée que j'exprimais, il faut, je crois, que soit conjoint la passion de la langue étrangère et l'amour de sa propre langue, de jouer avec sa propre langue. Parce que c'est quand même un écrivain à son niveau, le traducteur. Et en plus, c'est ça aussi qui fait la passion de traduire Shakespeare, c'est que à la fois c'est très difficile, il y a des exigences, et en même temps, il y a une liberté de création qu'on n'a pas, par exemple, quand on traduit Oscar Wilde. J'ai traduit le théâtre d'Oscar Wilde. Les variations sont infimes d'une traduction à l'autre. J'ajouterais volontiers que on perd l'essentiel. Il y a une fluidité de la langue anglaise maniée par un néerlandais, Oscar Wilde, qu'on n'arrive pas à retrouver, c'est un peu plus lourd, ça pèse plus en français, on n'arrive pas à retrouver cette... Alors bien entendu, il y a beaucoup de choses qui sont perdues, mais il y a aussi beaucoup de choses que Shakespeare promeut, propulse, que l'écriture de Shakespeare, qui n'est quand même pas entièrement diminuée, réduite, atténuée par la traduction, par le phénomène de la traduction. Jean-Michel Desprats, je vous propose qu'on pose un problème de façon à pouvoir l'évacuer, pardon pour le lapsus, extrêmement rapidement, mais qu'on ne comprendrait sans doute pas si nous ne l'avions pas un tantinet abordé. Nous en avons parlé, nous, hors micro, hors antenne. C'est cette question qui semble être à l'affût de quantité de têtes aujourd'hui, à savoir, Shakespeare, c'est celui qui n'a pas écrit ses pièces. Alors vous, vous travaillez donc sur Shakespeare depuis, je ne compte plus les années, voilà, un certain nombre de semaines. Et d'ailleurs, vous avez traduit l'ensemble de l'œuvre de Shakespeare? Non, les deux tiers, du théâtre, parce que les délais qu'on me donnait ne permettaient pas de penser que j'aurais pu y arriver. En fait, il y a eu de tels retards que j'aurais pu tout traduire. Mais à partir du moment où j'ai confié à des gens que j'estimais, des traductions, il n'était pas question de les refaire. Alors, sur cette question, évacuons-la donc, mais quels sont les arguments pour ceux qui ne les connaîtraient pas et comment les évacuer rapidement ? Quelqu'un qui travaille toute sa vie sur Shakespeare est quand même extrêmement irrité de voir naître toutes ces divagations. D'abord, contrairement à ce que disent les journalistes, ce n'est pas depuis le début, c'est-à-dire qu'il faut attendre que 2 siècles et demi soit advenu avant que une première hypothèse soit émise par quelqu'un qui a fini sa vie dans un asile psychiatrique. Et on comprend pourquoi, puisque forte de ses convictions que c'était son prétendu ancêtre Bacon qui avait écrit les œuvres de Shakespeare, elle est allée la nuit tenter de déceler le tombeau de Shakespeare, donc dans l'église que tout le monde connaît à Stratford. Voilà, alors c'est en 1857 que la première contestatrice écrit un recueil qui s'appelle « La philosophie des œuvres de Shakespeare, enfin révélée ». Donc on est 2 siècles et demi après. Alors ce qui pose quand même un problème, parce que comment, à supposer qu'il y ait eu une fausse identité, comment l'absence de connaissance de cette fausse identité a-t-elle pu se propager pendant 2 siècles et demi avant que ne naisse cette question qui aujourd'hui mobilise un nombre considérable de gens, puisque les hypothèses se suivent. Et déjà à l'époque, pardon de vous interrompre, mais j'ai cru lire des Mark Twain, des quantité de gens Il y a un grand nombre, c'est troublant bien sûr, d'un grand nombre de grands esprits, de grands écrivains, y compris Freud, mais il y a en effet Henry J. Mark Twain, probablement historiquement un des premiers, à avoir accrédité ces thèses que l'on dit en général anti-stratfordiennes, d'attribuer l'œuvre de Shakespeare à un autre auteur que Shakespeare. Au départ, on peut être certain que c'est quand même la singularité de Shakespeare de ne pas avoir fréquenté l'université qui a alimenté, peut-être pas généré, mais alimenté la popularité de ses candidatures rivales. Tous les autres dramaturges élisabéthains ont fréquenté l'université. Mais c'est aussi une idée un petit peu fausse de l'enseignement qu'on diffusait dans les grammar schools à l'époque de Shakespeare, qui était très certainement comparable en étendue culturelle à celui des universités d'Oxford et de Cambridge aujourd'hui. Donc quelqu'un qui avait suivi un enseignement en latin dans une grammar school avait une connaissance intime de la mythologie, ce que Shakespeare déploie à plusieurs reprises, et une culture suffisante pour ne pas être considéré comme un demeuré ou comme quelqu'un qui n'aurait pas eu à sa disposition cette culture. Alors ça naît en 1857, et ensuite, dont Delia Bacon a tort, puisque Francis Bacon n'était pas son ancêtre, prétend qu'on trouve dans l'œuvre un cryptage. Et donc elle joue au Scrabble, elle prend les lettres des mots et elle reconstitue, et elle arrive à reformer la phrase. Ses œuvres sont l'œuvre de Francis Bacon. Goût aigu de l'anagramme. Voilà. Alors après, il y a eu plusieurs autres hypothèses. Il y a d'ailleurs eu des hypothèses complètement invraisemblable, par exemple, d'attribuer à Marlowe, dont on sait qu'il est mort en 1593, peut difficilement avoir écrit le reste de l'œuvre de Shakespeare après 1593, c'est-à-dire les 4/5, puisqu'il était mort. Et il y a eu la reine Elisabeth, et alors récemment, il y a la candidature de Florio, qu'on connaît très bien, qui est célèbre dans l'histoire pour avoir traduit Montaigne en anglais. Et Shakespeare le cite d'ailleurs, cite sa traduction. Et voilà, un certain Tassinari italien. Ce qui me frappe, comme je vous le disais, quand on a parlé de ça, c'est que aucun de ces schismatiques, si je puis dire, n'est quelqu'un qui travaille, qui enseigne Shakespeare ou qui est un chercheur sur Shakespeare. Parce que l'évidence d'une écriture singulière, qui seule devrait nous importer d'ailleurs, est telle, quand on travaille sur Shakespeare, fait que toutes ces hypothèses sont plus des sortes d'égarements qui, au fond, sont tout à fait dans l'air du temps, puisque avec les fake news, les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, enfin, il y a une espèce de mise en cause de la parole scientifique. Alors là, évidemment, c'est pas d'ordre scientifique, mais les preuves de l'existence de Shakespeare sont innombrables, à commencer par le témoignage de son ami et rival Ben Jonson, qui nous dit que Shakespeare écrivait sans rature, d'un seul... et que voilà, qui est très admiratif, voire jaloux, de la facilité d'écriture de Shakespeare. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Jean-Michel Desprats. Peut-on imaginer, Jean-Michel Desprats, que l'un des thèmes fétiches de Shakespeare soit peut-être aussi à l'origine de cette volonté de trouver un autre Shakespeare que Shakespeare lui-même? J'entends par là le thème du double, le thème de la gémellité. Pensez-vous que ceci ait pu jouer ou simplement on a affaire à des opportunistes? Non, je rebondis en vous disant que Shakespeare a eu des jumeaux. Donc cette fascination pour la gémellité peut très bien venir d'une donnée biographique, puisqu'en effet on trouve des jumeaux dans deux pièces, la Comédie des erreurs, qui reste une pièce plutôt de l'ordre de la farce, et dans cette pièce beaucoup plus subtile, mais où Shakespeare reprend le thème de la gémellité, qui est La Nuit des Rois, une pièce très philosophique. Mais de façon générale, on peut, poussant votre idée, dire que l'identité est un thème shakespearien, le trouble de l'identité. Alors, par exemple, en termes de genre, puisque on a un échafaudage dont on ne peut plus reproduire la complexité aujourd'hui, puisque, comme chacun le sait, il n'y a pas de femme interprète, il n'y a pas de comédienne dans le théâtre, le théâtre vivant de Shakespeare, dans la troupe de Shakespeare, et que donc on a un étagement d'identité, puisque le jeune acteur, puisque c'était un adolescent qui n'a pas encore mué, qui jouait les rôles de femme, donc un adolescent de 12-13 ans. Sur la scène, il y a un jeune garçon qui se travestit en femme, laquelle, dans le cas de Viola, est obligée, pour des raisons de survie, de s'habiller en homme. C'est le cas également de l'autre pièce jumelle, si je puis dire, qui est Comme il vous plaira, où c'est Rosalinde qui, entrant dans la forêt, doit se prémunir des agressions des bandits éventuels en s'habillant en homme. Donc ce thème de l'identité multiple, ou en tout cas de la possible transmigration d'une identité en une autre, sans parler du fait que c'est l'essence même du théâtre, le double, hein, c'est le comédien interprète un rôle autre que lui-même. Peut-être. Oui, enfin, de toute façon, c'est une part de lui-même qui est peut-être pas aussi publique, enfin aussi connue des autres que son moi public. Mais donc ce thème de l'identité, du trouble de l'identité, il est un des thèmes innombrables de l'œuvre. Il est certain que une des énigmes de l'œuvre de Shakespeare, c'est le peu d'engagement de Shakespeare. Tout se passe comme si c'était une œuvre anonyme, comme si les pièces étaient essentiellement constituées par ce concert, dissonant éventuellement, de voix plurielles, sans qu'on puisse reconnaître la voix de Shakespeare. Comme si chaque personnage avait écrit son rôle. Oui, on peut davantage épingler la présence de Molière dans l'œuvre moliéresque, on sait dans quel camp il est. Shakespeare est-il catholique? Est-il protestant? Il n'est pas possible qu'il n'ait pas eu d'opinion personnelle, d'autant qu'on sait que son père était un militant catholique, hein, d'écrits retrouvés dans sa tombe. Et c'est une hypothèse qui expliquerait les 7-8 ans dans lesquels on n'a pas de traces précises de Shakespeare, qui est que Shakespeare ait été très engagé dans la cause catholique, qui, comme vous le savez, était évidemment dangereuse. Donc un catholique, c'était potentiellement un rebelle, et on payait de sa vie, on pouvait payer de sa vie le fait de proclamer des convictions catholiques. Mais donc dans l'œuvre, on est bien en mal d'épingler une position religieuse particulière de Shakespeare, de même que on peut continuer à perte de vue à disserter sur Shakespeare. Est-il donne-t-il une image négative des femmes à travers Lady Macbeth, à travers Catherine, The Taming of the Shrew, ou au contraire est-il un pré-féministe avant la lettre, puisque très souvent dans les comédies ce sont les femmes qui portent les valeurs de sacrifice, d'amour, hein. Alors, il faut quand même nuancer un petit peu. C'est qu'il y a quand même deux œuvres qui portent la marque personnelle de Shakespeare. C'est Hamlet, où, à l'évidence, l'importance du thème du rapport au père, du rapport difficile au père, renvoie à des données biographiques. Shakespeare, à plusieurs reprises, travaille sur Hamlet. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des telles différences textuelles entre le quarto, c'est-à-dire l'édition séparée d'Hamlet, et la version d'Hamlet qu'on trouve dans le folio, et puis surtout les sonnets. Même si on ne les réduit pas à leurs données biographiques, les sonnets racontent quand même un triangle amoureux, la passion d'un poète pour un amant qui lui est supérieur du point de vue social, qui appartient à une classe supérieure, qui est beaucoup plus jeune que lui. Donc, il y a quand même aussi des traces d'engagement personnel de Shakespeare dans son œuvre. J'allais presque dire également des traces de sa santé. Je repense à un des sonnets qui avait été en son temps traduit, je crois, pour Jean Jourdeuil, qui en gros disait « Épuisé de fatigue, je me hâte vers mon lit, doux repos pour mes membres, fourbus par le chemin. » Vu la quantité, je voudrais venir à la prolixité de Shakespeare. On a l'impression que Shakespeare, jouant, écrivant, il dormait 2 heures par nuit. Il raconte aussi, peut-être là, mais peut-être aussi ailleurs, des états d'épuisement. Lope de Vega a écrit beaucoup plus que Shakespeare. Shakespeare a écrit 38 pièces. J'en ai publié 40 parce que je voulais donner Édouard III, qui est en partie écrit par Shakespeare, et qui est une pièce qui a été censurée parce qu'il y a des attaques contre les Écossais, donc à l'époque de Jacques Ier, ex-Jacques VI d'Écosse, tout cela a été mal vu. Il y a donc un nombre, certes considérable, mais inférieur à des tas d'auteurs comme Lope de Vega, dont on joue toujours plus ou moins les mêmes pièces, mais qui en a écrit près de 200. Est-ce que vous avez décelé, Jean-Michel Desprats, au travers de cette écriture multiple, des moments où Shakespeare était là, et puis là, ou là, je veux dire par là, derrière un des personnages, peut-être derrière une petite miniature, pas forcément au centre, et il faut quand même dire, même pour les gens qui connaissent très mal Shakespeare, c'est qu'on a affaire quand même, au travers du personnage d'Hamlet, à un prince de la procrastination, quelqu'un qui est dans l'hésitation. Alors, quel incroyable paradoxe, il semblait écrire sans rature, et il y a en même temps ce, non pas ce personnage bégayant, mais ce personnage hésitant, pesant sans arrêt le pour, le contre. Hamlet, comme la plupart des œuvres, a fait l'objet d'interprétations multiples et souvent contradictoires. Et si j'essayais de résumer cette pluralité, ce qu'on ne peut pas faire, mais on peut dire quand même qu'il y a deux conceptions d'Hamlet, du personnage. Celui qui met l'accent sur sa fragilité. La conception qui met l'accent sur sa fragilité, auquel cas Hamlet est presque donné comme un personnage à voir de haut, à critiquer, à relativiser. Mais il y a toute une partie de la critique qui, au contraire, estime que son rôle principal est de dire la vérité par rapport à tous les mensonges de ceux qui l'entourent. D'écrire tous les autres personnages comme captifs d'une fragilité, souvent d'ailleurs la courtisanerie, puisque Polonius est épinglé, mais aussi Rosencrantz et Guildenstern. Il y a une veine d'interprétation d'Hamlet qui fait plutôt d'Hamlet un principe en surplomb de la société dans laquelle il s'insère, où il est le seul à rechercher la vérité par rapport à tous les autres qui sont des mannequins de l'existence et qui représentent une forme de mensonge particulière dans un univers politique. Même le personnage central ne fait pas l'objet d'une interprétation univoque. Et bien entendu, on n'aurait aucun mal à trouver une multiplicité d'interprétations parfois contradictoires dans toutes les grandes pièces de Shakespeare. Et l'interprétation est libre, c'est aussi la raison pour laquelle il continue à fasciner. C'est-à-dire que, ou je peux prendre l'exemple de Coriolan, qui pour certains était une pièce qui faisait l'éloge du personnage exceptionnel, héroïque, puisque indéniablement, sur le plan militaire, Coriolan domine toute son époque. Mais en même temps, Brecht en a donné une interprétation où il dénonce le caractère irremplaçable du grand homme. Cette pluralité d'interprétations possibles, elle explique en grande partie la richesse de Shakespeare et le fait qu'il parle, et je dirais même de plus en plus, puisque aujourd'hui, le rêve secret de tout comédien, quand on ne le nourrit pas assez de pièces de Shakespeare, c'est de jouer Shakespeare. Prenons l'exemple de la Comédie française. Quelqu'un comme Denis Podalydès ne cache pas que ce qu'il a envie de jouer, c'est le maximum de rôles de Shakespeare. Il n'empêche pas de monter les Fauberies de Scapin ou d'avoir un répertoire très vaste. Mais Shakespeare est devenu le dieu des comédiens. C'est magnifique. Et des metteurs en scène. Jean-Michel Desprats, malheureusement, on doit se quitter. Cela dit, je vous propose un petit bonus pour le site d'Histoire Vivante. Une question qui m'est venue comme ça pour cette conversation. Merci mille fois d'être venu au micro d'Histoire Vivante. On se retrouve tout de suite sur la toile. Demain, la suite de cette thématique, nous serons en compagnie de l'historien du droit, François Host. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.